Revenons au verbe pouvoir. Comment diriez-vous « pouvez-vous le faire » ? Können Sie. Können Sie le faire ? Es tun. Können Sie es tun ? Et pourriez-vous me le dire ? Könnten Sie es ? Könnten Sie es ? Mir sagen. Könnten Sie es mir sagen ? Bien. En allemand, chercher se dit suchen. Suchen. S-U-C-H-E-N. Suchen. Comment diriez-vous « je l'ai cherché » ? Ich habe es gesucht. Ich habe es gesucht. Oui, tout à fait. Mais je ne l'ai pas trouvé. En allemand, on dira plutôt « mais je ne pouvais pas le trouver ». Aber ich konnte. Oui, ici nous disons « je l'ai cherché », « ich habe es gesucht », mais « je ne l'ai pas trouvé ». En allemand, « je ne pouvais pas le trouver ». « Je pouvais », c'est « ich konnte ». Donc, « mais je ne pouvais pas le trouver », se dit « aber ich konnte es nicht finden ». Bien, « ich konnte es nicht finden ».« Ich habe es gesucht, aber ich konnte es nicht finden ». Essayons maintenant de dire « je n'ai pas pu le trouver ». Ich habe nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Je n'ai pas pu le trouver. Pouvoir est ce que j'appelle un verbe porte-manteau. Et il se passe quelque chose de curieux pour ces verbes lorsqu'on plonge dans le passé. J'ai pu se dit ich habe gekonnt. C'est ainsi que vous plongez dans le passé. Ich habe gekonnt. Qui veut simplement dire j'ai pu. Ou gekonnt est le participe passé de können, c'est-à-dire la forme dans laquelle on plonge dans le passé après sein ou, dans ce cas, haben. Mais si vous voulez dire « j'ai pu faire quelque chose », alors vous allez employer un autre moyen de plonger dans le passé, un moyen très simple, qui s'applique à tous les verbes porte-manteau. Vous allez en effet employer l'infinitif en guise de participe passé, donc « können » au lieu de « gekonnt », qui est la forme du participe passé, donc la forme vers laquelle on plonge habituellement, après « haben ». Mais peu importe la dénomination grammaticale, l'important étant de savoir comment plonger dans le passé. Donc, ça c'est quand « können » est employé comme verbe porte-manteau, donc suivi d'un autre verbe. Comme quand on dit « j'ai pu le faire » ou « je n'ai pas pu le faire ».« J'ai pu le faire » se dira « ich habe es » « tun ». « Tun ». « Tun können ». Ich habe es tun können. Et je n'ai pas pu le faire. Ich habe es nicht tun können. Et maintenant, réessayons de dire je n'ai pas pu le trouver. Ich habe es nicht finden können. Ich habe es nicht finden können. Oui, dans ces deux exemples, on a l'impression d'avoir deux infinitifs. Mais en fait, können est le participe passé, c'est-à-dire qu'à partir du plongeoir habe, on plonge dans le passé avec können. Donc on a « je n'ai pas pu le faire »,« ich habe es nicht tun können » et « je n'ai pas pu le trouver »,« ich habe es nicht finden können ». C'est très pratique parce que tous les verbes porte-manteaux fonctionnent de la même manière. Prenons par exemple « wollen ».« Wollen » qui correspond au verbe « vouloir ». Pour dire « je le veux », on dira « ich ». « Ich will es ».« Ich will es ». « Je ne le veux pas ». « Ich will es nicht ».« Ich will es nicht ». Oui, donc ici « ich will es » n'est pas un verbe porte-manteau. Il n'est pas suivi d'un verbe à l'infinitif. Mais si vous voulez dire « je veux le faire », alors là, oui, « wollen » est employé comme verbe porte-manteau. Donc je veux le faire. Ich. Ich will es tun. Ich will es tun. Oui, là, will est un verbe porte-manteau. Au passé, vous direz simplement je voulais. Ich wollte. Je voulais le faire. Ich wollte es tun. Mais si vous voulez dire j'ai voulu le faire, vous ne plongerez pas dans le passé avec ich habe gewollt, car ich habe gewollt, c'est la forme du passé quand wollen n'est pas utilisé comme verbe porte-manteau. Pour dire J'ai voulu le faire. Vous allez employer Ich habe es tun, suivi de l'infinitif, donc la forme du verbe qu'on trouve dans le dictionnaire. Ich habe es tun wollen. De la même manière, il n'a pas voulu le faire, se dira Er hat es nicht tun wollen. Er hat es nicht tun wollen. Et non, er hat es nicht tun gewollt. En revanche, on dit bien Er hat es nicht gewollt pour il ne l'a pas voulu, car là, wollen n'est pas employé comme verbe porte-manteau. Mais pour dire il n'a pas voulu le faire, le voir, l'acheter, etc., donc quand wollen est employé comme verbe porte-manteau, donc suivi d'un autre verbe, on dit Er hat es nicht tun wollen, sehen wollen, kaufen wollen, etc. Cette construction fonctionne pour tous les verbes porte-manteau. Par exemple, comment diriez-vous « il n'a pas pu le faire » Er hat es nicht tun können. Oui, er hat es nicht tun können. Il n'a pas pu le faire. Et er hat es nicht tun wollen. Il n'a pas voulu le faire. Cette construction fonctionne de la même manière pour les autres verbes porte-manteaux.